parti. Ma fille, c'est plus du tout la même. J'écris ces quelques lignes pour te le dire. Écoute, depuis que t'es parti, ma vie c'est plus la même. On n'a plus trop de contact. Depuis que t'es dans la merde, t'as plus de thunes et tu vis encore chez ta mère. S'il te plaît, change, cette vie n'est pas possible, frère. Jack, tu m'as laissé seul pour retourner à Ripa. Mais qui c'est qui t'a viré? C'est papa. Mais pourquoi? Parce que tu faisais rien. Tu rentrais tard le soir et moi je m'inquiète. Je voyais l'heure passer. Pour le matin, c'était la même. 17h à la montée. Toujours dans ton lit. Je me demande ce que t'es devenu. Te voir une fois par an, c'est impossible. Je te veux au quotidien. Tu m'apprends tellement de choses. Tu me manques, grand frérot. Reviens juste quelques jours. Je t'en supplie. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime.